بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب كما convenu إن شاء الله on va prendre مراجعة عامة des derniers chapitres pris توقفنا المحبة نبدأ في المحبة نعم طيب Donc c'est quoi le premier bab qu'on avait repris depuis Al-Mahabba. Al-Mahabba. Kulna kam aqsam li-Mahabba Thalatha. C'est quoi Mahabba, Mahabbatullah, hadhi al-wajiba, al-wajiba, ça c'est. La Mahabba aussi, fillah, ou lillah, c'est aussi al-wajiba. C'est hadhi al-muslim et les kuffar. Et la Mahabba qui est tabi'iyah. Ça c'est avec les proches, la famille, etc. Et celui qui aime des mahabba, allati ya haqqullah, c'est quoi? La shirk. La shirk. Thumma le bab alazi ba'dahu? Al-khawf. Al-khawf. La peur. Kadhalik, ma ya aqsam al-khawf? C'est quoi les catégories de khawf? Thalatha kadhalik. Al-khawf mi Allah. Ça c'est wajib, muslim. Ensuite. Et c'est quoi cette khawf C'est quoi cette particularité de cette khawf Cette peur d'Allah, c'est quoi T'as peur de quoi De son adab. Ouais. T'as peur de. De choses que celui peut te faire subir. Non. Ensuite, la khawf. Qui te fait faire des ma'asif, je crois que vous avez vu. Khawf muharram. Muharram. Voilà, c'est le khawf qui te fait faire des. Il y a un ma'asi, donc ça c'est haram. Il y a le khouf avec un sebab. C'est ça, le khouf avec un sebab. Khouf tabi'i. La peur naturelle. Et tous ces aqsam, souvent, des fois, tu as des ulama, ils disent 3, t'en as 10, 4, t'en as 10, 5. Par exemple, dans le mahabba, t'en as, ils vont ajouter le mahabba, kazalik ma'asiya, l'amour interdit, le fait d'aimer des choses interdites. Tout ça, c'est, ça se contredit pas, tu vois. C'est des stilahat. À amchid d'avoir compris que tu as une peur. Ou un amour qui revient à Allah, c'est ça le plus important. Que tu as cet amour-là, s'il est remis, ou cette peur à autre que Allah, lorsqu'il lui revient à lui, ça devient du shirk. Tu as des choses qui sont naturelles, d'accord, sur lesquelles l'être humain, sur lequel il a été créé. Et tu as des choses après, dans ce naturel, qui peuvent l'amener à désobéir. Par exemple, ils ont mis dans la peur, la shayaha, il a mis la lâcheté ou la poltronie. Celui qui a peur, alors qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cause. Il dit ça, c'est makro, ça. T'as un peu, il n'y a rien et t'as peur. Masalan. Après, c'est des choses que certains rajoutent ou enlèvent. À Amché, c'est qu'on sache les plus importants qui sont cités là dans les choses qu'on a pris. Ou à Kazalik Zakarna Al-Khashiya. Al-Khashiya. C'est quoi Non, avec la science et avec Atarzim. طيب والباب الذي بعده هو كوا؟ ما يتعلق بالتوكل التوفيق تفويض إلى الله هذا ذكر يعني النفاس تفويض إلى الله والثقة به نعم c'est en s'en mettre à Allah et lui faire confiance et كذلك il y a une chose importante à prendre أخذ الأسباب نعم هذا مهم جدا Et celui qui s'en remet au asbab, ma hukmuhu. Seulement au asbab. Qui se repose sur le asbab. Lui, c'est un tarn. C'est l'inverse. Celui qui fait que l'asbab. Qui se repose sur le asbab. Pour lui, c'est les asbab qui vont lui accorder ce qu'il recherche. Et celui qui ne prend pas d'asbab. Là, c'est un tarn. Non. Ou al-bab al-azi ba'dahu Moi je parle depuis le titre, mais c'est par rapport au Makr. De ne pas se sentir à l'aveu du complot d'Allah et en même temps de ne pas désespérer de la miséricorde. Non, ça revient à ce qu'on avait dit un peu. Ça revient à la peur et l'espoir. Ça revient à ce sujet-là. C'est quoi le hukm de Al-Ya's min rahmatillah, fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Kibira. Et le fait de se sentir à l'abri du complot d'Allah. Kibira aussi. Car celui qui se sent à l'abri du complot d'Allah commettra les plus grandes turpitudes, car il ne craint pas Allah. Et celui qui désespère de la rahma d'Allah vivra dans l'extrême, car quoi qu'il fasse, il désespérera que Allah lui pardonne. Et les, quels sont les deux sectes principales qui sont tombées dans ces deux mahzour? Al-amn min makrillah, c'est qui? Qui est-ce qui a été atteint par ça? Al-amn, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Il se croit à l'abri. Al-murji'a. Et al-yas min rahmatillah, c'est qui? Al-khawarij. Khawarij, naam. Taïb, wal-ladhi ba'dahu? Al-ladhi ba'dahu? Al-ja'a fi al-riya. La, fi shaykum. Non. Patienter face aux décrets divins. Car celui qui ne patiente pas, c'est quoi? Ça revient à quoi? C'est comme s'il n'était pas content de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui avait décrété. Non. Et ce qui arrive comme bala au mu'min dans sa vie, est-ce que c'est forcément un châtiment d'Allah? Si ça peut être du khel, ça peut être takfir de nous, on va rajat. Et même si c'est une punition, c'est un rappel pour lui, donc c'est un khel quand même, de toute façon. Et parmi les choses qu'un frère m'a envoyé comme faïda, cité par Cheikh Abdul Razak al-Badr, le fils de Cheikh Abdul Mansour al-Abbad, Kalam Jamil, qu'il a dit que parmi les pires des punitions que Allah subhanahu wa ta'ala peut infliger à un mu'min, c'est pas celles qui sont voyantes, comme le fait qu'il lui arrive une maladie dans ses enfants, dans sa famille. C'est ça qu'on ne voit pas. Toi, il ne se rend pas compte. Comme le fait qu'il le prive du tawfiq, fil amal saliha. Ça, c'est vrai que c'est une chose, on ne s'en rend pas compte et on croit que c'est normal, et en fait, c'est pas normal. Plein d'œuvres bonnes à faire, tu ne les fais pas. Et tu ne te ressens même pas dans l'envie de les faire. Enfin, ça, c'est encore pire que, masalan, demain, je ne sais pas, moi, il t'arrive à. Une chose dans ta santé ou ton enfant ou quoi, car tu le vois, mais les autres tu les vois pas. Et tous les jours, des jours passent, et masalan, t'as Ramadan qui passe, tu fais rien pendant Ramadan, pas de Coran, pas de Qiyam, le Siyam il est comme ça. Tous les moments où il y a des jours de Fadail, il te passe sous le nez, comme on dit. Wa min ashad min zalik an azid. La plus grande, parmi les plus grandes punitions qu'Allah pour se faire subir, à infliger à son serviteur, c'est Al-Wukur fil fitan, Al-Mudilla, wa huwa la yashur, qui tombe dans les fitna, égareuses, il ne s'en rend même pas compte. Ça, c'est parmi les pires des choses. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mut, fahamt, khayr min al-fitna. C'est-à-dire, mourir pour le mu'min est meilleur pour lui plutôt qu'il tombe dans une fitna dans sa religion. Et t'as des gens qui tombent dans les fitna. Et ils s'en rendent pas compte. Et ils pensent être sur le haq et ils font du mal. Beaucoup de mal. Et ils s'en prennent à des gens qui ne méritent pas cela. Wallahi azabillah. Taïeb. Thumma ba'da zalik. Maja fi riya. Riya. Shirk. Asghar wa akbar bi tafsir. On avait vu que Aslan c'est Asghar. Sauf si la personne a du riya dans son islam complètement. C'est-à-dire qu'il fait apparaître l'islam alors que cet islam-là c'est pour le riya comme nous on a fait. Naam. Wa celui qui fait du riya, est-ce que ma hukm amali? C'est quoi le jugement de son œuvre? S'il repousse. Il fait une ibadah pour les gens depuis le début. Attention, il ne fait pas pour les gens l'ibadah, il fait pour Allah. Oui, mais il attend des gens un thana, un éloge. Là, c'est le Cheikh Akbar, s'il fait une ibadah pour les gens, khalas. C'est même plus du liya, ça c'est. Aïe, hein? Tu vois, il y en a un tafsir que, en tout cas, s'il reste sur ça, depuis le début à la fin, son œuvre, elle est rejetée. Non. Celui qui fait du liya dans son œuvre, là-bas, c'est qu'elle est rejetée. Après, on avait dit, si jamais il repousse, ça vient en cours de l'acte et il repousse, ma fiche à Ali, inshallah. Et si yastarsir fi zalika, il continue, son œuvre elle est rejetée. Et le riya, il a un autre nom, c'est quoi? Comme a dit le hadith, le shirk ou le khafi. والباب الذي بعده يراد الانسان من الشرك من الشرك ايوه من الشرك يراد الانسان الدنيا بعمله الدنيا c'est un tafsil du bab d'avant que celui qui cherche par ses œuvres les biens de ce bas monde. نعم, il fait des choses pour en tenir des biens de ce bas monde, des ibadah qu'il a donné à Allah, lui il en cherche des masalih là où charsiya. Ça, ça rentre dans le shirk. Ça peut être akbar et ashar. Kazarik. Comme l'islam des munafiqin, comme on l'a cité dans le bab précédent, ils se sont soumis à Allah en apparent pour pouvoir se préserver des muslimines. Non. Et d'autres, ils font des actes pour avoir de l'argent, pour avoir un poste, pour avoir un avantage, pour avoir des privilèges. Des choses qui sont à la base qui amènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle du shirk asghar. Wa ba'dahu. Men ata'a al-ulama wal fuqaha wal umara fi tahlim ma harram Allah wa fi tahlil ma harram Allah. Celui qui suit les gouverneurs et les ulama dans les choses, il va suivre dans quelque chose que l'alim il a autorisé alors qu'Allah Azzawajal il l'a interdit et inverse. Ah ouais, c'est quoi le. T'as encore. Hein? Ah oui, c'est comme s'il avait pris des alliés en dehors d'Allah. Takhazuhum arba ben nidunillah. Il a pris comme seigneur en dehors d'Allah. Taïb. Donc maintenant explique-nous comment cela. C'est-à-dire demain quelqu'un il voit un gouverneur qui met une loi. Par exemple, le gouverneur a rendu dans son pays, il a dépénalisé la vente de l'alcool. Quelqu'un dans son docket vend de l'alcool. En disant, le gouverneur a dit que je peux vendre de l'alcool. C'est quoi le hukm, par exemple? Si lui, ici au fond de lui, que c'est interdit, la laine que c'est interdit et qu'il rend la chose jarise, et qui dit bah, on a le droit, bah là c'est un kafir. Mais si au fond de lui il sait, bah, comme l'autre, mais qu'il dit qu'il vend, mais il dit pas que c'est jaïz, il dit qu'il vend par passion, ou il sait qu'il vend parce qu'il est d'arrive quoi. Et que c'est haram. Voilà, c'est haram, bah lui, c'est pas un kafir. Non. Donc ça revient à son article. Non, arsante. والذي بعده من حكم من حكم بغير ما انزل الله. نعم, celui qui juge par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est quoi le tafsir dans la mas'ala de khulasa? Tafsir avec 3 ça ça de celui qui dit que juger par autre que l'ordre d'Allah c'est meilleur, c'est un kafir. Celui qui dit que c'est égal, c'est un kafir. Et celui qui dit que c'est jahiz, c'est un kafir. Celui qui fait cela par passion, par faiblesse. Et lui, c'est pas un kafir. C'est du kufr. Asghar. Taïb. Wa ba'da. Ah oui, celui qui renie Sifa. Aïe. Man hajada. Man jahada. Man jahada. Chez un. Chez un mi asma wa sifa. Non, qui renie quelque chose des noms et attributs. On avait dit quoi, nous? On avait dit qu'il y avait des... Là-bas, c'est que celui-là qui dément, c'est un kafir parce qu'il a fait un takdib sur le Coran. Il a démenti le Coran. Et celui qui a une chouba, comme on avait vu, comme certaines sectes, Asha'ira, ils font du ta'wil, eux, ils ont une chouba, donc... Ce sont pas des koufars. vu qu'ils ont le chouba. Non, on a dit que ce inkar, en fait, ce juhud d'Asma Sifat, basé sur deux choses. Takzib, comme tu l'expliquais, qui dément directement, ou un ta'wil. C'est-à-dire que la chose, il peut la changer. Mais c'est un inkar quand même. Il va changer la sifat, il va l'interpréter. Il rentre dans le hukm du ta'til. C'est un mu'attil. Et c'est quoi la aqida à avoir par rapport à Asma Sifat? Aqida al-Sunnati wal-Jama'a. Sifat. Il a tamsif, voilà. Moi je me rappelle, c'était ifbet un bila tamsif, ou tamsif un bila tartif. Le takif, bila tartil, ou la tahrif, ou la takif, ou la tamsif. Tu dois affirmer cela comme cela est venu, sans chercher le comment, sans chercher un équivalent, sans l'altérer. Ou sans le supprimer. Walladhi ba'dahu. Walladhi ba'dahu. Tartib là. Je sais pas qui redonne la ni'ma, qui remercie, qui donne la ni'ma au asbab. Comment on dit, c'est quoi? Qui fait ça, quoi. Qui remercie le sbeb, qui... Les gens qui renient la ni'ma d'Allah. Ils ne sont pas les ni'ma qui renient les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les remettent et les affilient aux causes et non pas à celui qui les aura accordés, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ne remercient pas Allah parce qu'il leur a accordé comme bienfait, ils remettent cela à des choses créées, comme les gens, comme leur intelligence, comme leur force, comme leur kaza, leur argent, mais ils ne disent pas ça vient d'Allah, ils disent ça vient de ça, c'est grâce à un tel, ça c'est grâce à mon intelligence, ça c'est grâce à ma force, c'est grâce à mon talent, et ainsi de suite. Et ça, hadha yunafi at-tawhid, car en fait tu as attribué le fait de donner le bienfait à autre que Allah. Non. ثم من قال ما شاء الله وشئت. لا في شيء قبل. Est-ce que tu as dit c'est dedans? Ah ouais, OK. C'est l'aya, c'est l'indat, ceux qui donnent des égaux à Allah. نعم تنديد. De nos égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, comment peut-il se faire? Des exemples dans le Bab cité, c'est quoi par exemple? Comme les Aslan. C'est ça là? Là. Yani. Mada qu'a l'Ibn Abbas? Il a cité différentes choses qui reviennent au tandid, le fait de donner des égaux à Allah par rapport au verset. Comme le fait, mathalan, de jurer pour autre que Allah. Ou de dire, si ce n'avait été kaza wa kaza, oui. Le petit chien ou le canard, le volant ne s'est pas rentré. Ou le fait, comme tu as dit, de dire, masha'Allah, wa shit. Tout cela rentre dans le shirk. Et c'est quoi le hukm de celui qui jure pas autre que Allah? C'est du kuf asra, sauf si c'est interdit. Et quand tu dis Masha'Allah, c'est quoi qu'il faut dire? Tu veux après, par la suite, également indiquer qu'une personne a une part de cause. Thumma. Thumma. Tu dis Masha'Allah, Thumma, Fulan. Walbab al-Azi Ba'dahu. Il y a un autre. Man khala Masha'Allah Washit. Allah. Il y en a un comme. باب ما جاء في من oui, justement. Celui qui jure par Allah, tu dois le croire. Naam. Et tu dois croire celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wal asl. Alayka an tusaddiqa wa taqbal minhu. Car le fait de refuser, c'est un manque d'arzim. Tout comme également celui qui jure par Allah pour rien, c'est un acte d'arzim. Thumma. Non. Comme Allah l'a voulu, ainsi que toi. Ça, on a pris le jugement déjà. Tu dois dire wa ou le akmel, c'est quoi le akmel? Masha Allah wahda. Naam. Ou la akhir? Man. Ça c'était hier. Man sabbata. C'est toi qui insulte le temps. Et moi, qu'est-ce qu'il a fait? Ça c'est du cirque aussi. Sauf si on avait vu qu'il y avait un. Man sabbadar. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté celui qui a. Dans le titre, il dit quelque chose. Man sabbadar, faqad. Kafa. La. Faqad. Faqad azallah. Il a offensé Allah. Il a offensé Allah. Et pourquoi il ne faut pas insulter le temps? Parce que l'avis du tabur à la dar, Allah azawajal. Naam. Et waldar min asma'illah. Là. C'est parmi les noms d'Allah. Qui c'est qui a dit que c'était un des noms d'Allah, tu te rappelles? Ibn Hazm. Ibn Hazm. Arsène. On va prendre un bébé aujourd'hui, Kassir, histoire de continuer. De toute façon, la plupart des abobs maintenant qui vont arriver sont vraiment courts, dans le livre de Shir. À part quelques-uns vite fait. Naam. Qala bab atasammi bil biqadi al-qudha wa nahwi. Le fait de se nommer le juge des juges, ou ce qui y ressemble. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى له الأسماء يختص بها وليس لأحد أن يتسمى بها مثل الرحمن ومالك والملك والخلاق ورب العالمين وحاكم الحكام وسلطان السلاطين ونحوها لأن من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء وتسمي بها ينقص التوحيد والإيمان ودخول فيها ما لا ينبغي. Que le mu'allif lui parla de montrer l'interdiction de se nommer avec des noms qui ressemblent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon à lui ou ce qui y ressemble. Car ces noms, comme tu le sais, lui reviennent à lui. Ces noms, les noms d'Allah sont des descriptifs authentiques, purement et également des noms propres, dans le sens. C'est-à-dire que lorsqu'Allah s'est donné un nom, ce nom lui revient, et ce que implique ce nom comme sens lui revient également, pleinement. Pleinement. Donc, وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. C'est certes Allah qui a les meilleurs noms, donc invoquez-le avec. Les plus beaux noms sont ceux d'Allah, donc on peut les prendre. Maintenant, dans les noms d'Allah, tu as deux formes. Tu as les مُخْتَصَى et les مُشْتَرِكَى. مُخْتَصَى, c'est celles qui sont propres que Allah, que personne ne peut prendre en dehors de lui. Comme Ar-Rahman, ou comme قَادِي الْقُضَى, comme là dans le Bab, il le dit, juge des juges. مَالِكِ الْمُلُكْ, le roi des rois. Al-Qayyum et plein d'autres noms qui ne reviennent qu'à lui. Et tu as d'autres noms qui eux sont Mushtarika, c'est-à-dire qu'on a trouvé chez la créature. Maintenant, chez la créature, il est certain que le sens impliqué par ce nom n'est pas lazim sur lui. Ce n'est pas obligatoire. Et même si il a une forme de il est qualifié par une forme d'attribut contenu dans ce nom, elle sera à un niveau minime. Alors que Allah, c'est un niveau total. Par exemple, Fulan, tu vas dire Fulan el-Kawi, tu vas dire cet homme, il est fort. On va l'appeler el-Kawi. Mathalan. Fahamt? Surnommé Hala ou el-Kawi. Eh bien, lui, sa kouwa, sa force, elle est limitée. C'est par rapport aux autres humains, on va dire c'est un homme fort. Mais sa kouwa n'a rien à voir avec celle d'Allah. Al-Aziz, Kazalik. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé le chef de Misr à l'époque de Youssouf alayhi salam comme étant Al-Aziz, comme étant le chef, le roi de cette contrée à l'époque. Mais sa izza n'est pas celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, abadan. Ou Malik, Kazalik, Ghayr Zalika. Par contre, le shir dit, si jamais on attribue ce nom à un lieu qui en sort et qui limite le descriptif, il a dit, c'est Jaïs. Masalan, tu dis, Qadil Qudha Misr. Le juge des juges, Masalan de Misr. Qadil Qudha al-Yémen. Voilà, c'est-à-dire c'est limité. C'est pas dans l'absolu, c'est pas, il n'y a pas d'itlaq. Donc là, on sait que c'est vraiment pas dans la spontanée qu'on parle. Masalan, Rabbul Alamin, ça c'est rien que Allah. Maintenant, tu dis Rabbul Bayt ou Rabbul Anaqa, ce serait comme le propriétaire ou le maître de la chamelle ou le maître de la maison. C'est limité. Ma fiche fait ça. Mais il a dit, c'est permis, mais le meilleur, c'est de ne pas le faire quand même. Au fils Sahih, à Nabi Hurayra, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ala, inna akhna ism indallahi rajulun tasamma malik al-amlak la malik ilallah. Wa qala Sufyan, misl Shahan, Shah. Wa fi riwaya, aghyaz rajul ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathuhu, yani rajul tasamma bi kaza wa kaza. Wa qulu akhna, yani awda. Donc dans le Sahih selon Abu Huraira, le hadith est dans Muttafaqun alayhi, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le plus bas des gens, ou plutôt le plus bas des noms près d'Allah, c'est un homme qui serait nommé le roi des rois, car il n'y a pas de roi en dehors d'Allah. Et Sofiane, il a dit, c'est comme quelqu'un qui s'appellerait Shahin Shah, car Shah, en langue perse, ça veut dire Malik. C'est le même sens, mais qu'une autre langue. Dans une version, c'est le plus mauvais des gens auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyama, celui qui aura un nom comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il aura un nom qui revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, même, quand bien même, ce nom viendrait avec un sens dans une autre langue, mais le sens reviendrait à un droit d'Allah, c'est pas permis. Vous voyez, c'est pas permis. Maintenant, une feuille d'Al-Rawiya qui donne Cheikh Al-Faymin dans la Qul Mufid, qui est Al-Farq Bina Al-Malik ou Al-Malik. Al-Malik, bidoun med, sans med, mim, lem, kef, wa malik, mim, alif, lem, kef. Malik, à la base, nous on traduit ça par un roi. Et un roi n'a pas le pouvoir absolu, le contrôle absolu dans son royaume, comme les humains. Il est censé avoir l'autorité suprême, mais il ne l'a pas. Des gens peuvent faire des choses sans qu'ils ne le sachent. Plein de gens peuvent le désobéir. Des choses peuvent lui être soutirées de son argent, de ses biens. Quand même, lui prétend de faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et encore moins à cette époque, où les rois, ils ont des gens qui sont là avec des lois qui font que le roi ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et Malik, ça vient plus de Malaka Yamliku, qui veut dire posséder une chose, comme un propriétaire. Quand même, par exemple, tu vas dire Malik al-Bayt, ce qui serait le propriétaire de la maison. Cette maison, elle est à lui, et à la base, il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Et les deux sont parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Malik et Malik. Même dans le Fatiha, tu as différentes kira'a. Tu as Malik yawmiddin et tu as Malik yawmiddin. Tu as les deux. نعم نأخذ الفوائد من هذا الباب المسائل ونكتفي بهذا إن شاء الله فيه مسائل الأولى النهي أن تسمي بملك الأملاك qui n'est pas permis de s'appeler le roi des rois الثانية أنما في معناه مثله كما قال سفيان ou d'autres choses qui auraient le même sens, comme l'a dit Sofiane. Chose qui aurait le même sens, ce n'est pas permis également. Asalisa attafattun lil ta'rid fi hadha wa nahwihi ma'a al qat' bi anna al qalb lam yaqsud ma'nahu. Le fait de bien prendre conscience de la gravité de la chose. Et même si, quand tu le fais, tu ne vises pas le sens réel de la chose, tu ne peux le faire. Dans ton tête, tu dis, moi, je ne vise pas le juge des juges comme ça, dans l'absolu, le roi des rois. Juste appuyer comme ça, histoire d'avoir un nom splendide. On dit là, même ça, c'est pas permis. Rabiha, et tafattun anna hadha li jilalillahi subhanahu wa ta'ala. Le fait de prendre conscience que cela fait partie du fait de glorifier la splendeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. فهذا الذي أخذنا اليوم ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.